Le magazine d'archéologie de France Culture ne pouvait débuter ce sujet sans évoquer le maître du suspense et un de ses films, The Crystal Trench, produit en 1959 pour la télévision. Une fois encore, le scénario d'Alfred Hitchcock est simple, l'histoire cruelle. Lors de leur lune de miel, le jeune mari de Stella Ballister meurt congelé dans une crevasse durant une escalade dans les Alpes suisses. La jeune veuve refuse de se remarier et attend durant 40 ans que le glacier rejette le corps de son bien-aimé. Le jour de l'apparition du cadavre, elle découvre alors que son mari porte en médaillon la photo d'une autre femme. The Crystal Trench est ce soir au cœur de notre sujet, puisque nous allons évoquer l'archéologie des glaciers alpins, celle liée à leur fonte, avec deux chercheurs suisses, Pierre-Yves Nicot, Ralph Lugon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Membre de l'Université de Genève, Pierre-Yves Nicot, vous êtes archéologue et conservateur du département Préhistoire et Antiquité du Musée d'Histoire du Valais à Sion. Géographe, Ralph Lugon, vous êtes rattaché à la Haute École du Tourisme de Sierre, en Valais. Vous avez surtout coordonné un projet de recherche interdisciplinaire entre sciences naturelles et sciences humaines sur les glaciers, projet appartenant au Fonds National Suisse de la Recherche scientifique. Merci d'être tous deux en ligne de Suisse. Ralph Lugon, nos glaciers, notamment alpins, sont-ils les derniers vestiges de temps antédiluvien, ceux des âges glaciaires ? C'est clair, autrefois, enfin, il y a 15 à 20 000 ans, les glaciers occupaient l'ensemble des Alpes. Aujourd'hui, ce qu'on a comme surface glaciaire dans l'ensemble de nos Alpes, ce sont les restes de cette époque, donc des très petits glaciers si on les compare au temps antédiluvien, comme vous dites. Leur fonte s'avère aujourd'hui irrémédiable. De combien de mètres ces glaciers reculent chaque année ? Alors, actuellement, les glaciers sont en recul depuis le milieu du 19e siècle, hein, depuis 1850. C'est une tendance qui existe depuis 6, 7, 8 générations. Donc, chaque année, ils perdent un peu plus de leur masse et de leur volume. Les glaciologues, souvent, mesurent plutôt la perte en volume. C'est ce qui les intéresse parce que le volume aussi, c'est transformable en volume d'eau. Donc, ça intéresse l'énergie hydroélectrique de savoir la perte de son capital. Actuellement, les glaciers, eux, reculent de plusieurs mètres par année. Ça dépend de certains glaciers, à plusieurs dizaines de mètres par année pour les langues. Mais ils s'abaissent également, ils se tassent sur eux-mêmes. L'altitude diminue aussi. Et leur surface aussi se rétracte fortement. Alors cette fonte, elle est bien sûr liée au réchauffement climatique, mais quel est le processus exactement ? Comment se déroule cette fonte dans le glacier même ? Bon, le processus, simplement, le glacier recule parce qu'il n'a pas reçu suffisamment de précipitations neigeuses. Ça, c'est un des éléments, c'est parce que le glacier est nourri par des précipitations neigeuses et les étés sont devenus beaucoup plus chauds, beaucoup plus secs et il y a une fonte très, très importante et on parle de bilan, un peu de bilan de masse. Ça veut dire que le rapport entre les précipitations et la fonte, il est négatif d'année en année. Pas assez de neige pour nourrir nos glaciers et puis des étés très chauds où la glace fond fortement. Alors désormais, les températures augmentent, hein, on le sait, 0,5 degrés par décennie. Les chiffres sont d'ailleurs alarmants. On a calculé le moment où tous les glaciers auraient disparu en Suisse. Oui, alors il y a des tas de calculs qui sont faits, c'est des glaciologues modélisateurs qui font ces travaux. Alors comme tous les modèles, c'est une recherche qui se fait en mode continu. Nous, dans le cadre de notre travail de recherche que nous avions mené avec le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique il y a quelques années, ce qui nous intéressait, puisqu'on avait un projet lié à la recherche archéologique dans les glaciers, c'était de calculer la perte en surface. On n'avait pas ces données pour les Alpes valaisannes, notre terrain d'étude, donc qui est situé entre le sud de la Suisse et puis les Alpes italiennes, cette chaîne de montagnes, les Alpes valaisannes, qu'on appelle les Alpes Pennines aussi. Alors on voulait connaître exactement précisément la perte de surface et pouvoir la cartographier. Donc les glaciologues ont calculé que pour cette chaîne de montagnes, qui est une des plus englacées de toutes les Alpes, hein, les Alpes valaisannes ce sont les plus englacées, donc c'est quand même un endroit important, on a calculé que la perte en surface dans cette chaîne pouvait s'élever à plus de 80% pour les années 2060. Ça veut dire une perte énorme de la surface glaciaire en raison du réchauffement climatique qui s'accélère. Et nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était de pouvoir donner à disposition aux archéologues des cartes avec ce retrait glaciaire. On a calculé des modèles tous les 10 ans. En 2020, comment seront les glaciers? En 2030, en 2040, en 2050, pour donner une idée aux archéologues et se dire, voilà, puisqu'ils fondent et qu'ils fondent très vite, quels sont les endroits où il faudrait prospecter en priorité, quoi, d'après cette fonte. Pierre-Yves Nicot, Ralph Lugon, la montagne a été longtemps délaissée par l'archéologie française. Qu'en est-il en Suisse? On connaît bien sûr l'archéologie des lacs suisses, où on a découvert plein de choses, je pense bien sûr à l'Athènes. La montagne a intéressé précocement les archéologues suisses? Alors, l'archéologie, je dirais, française et suisse ne délaisse pas complètement le massif alpin. Hein. On a très peu de données sur les périodes très anciennes de la préhistoire, précisément par le fait que les glaciers étaient présents et qu'ils ont raboté et détruit toutes les occupations qu'il y aurait pu avoir dans les stades interglaciaires. Hein. On a quelques vestiges très anciens qui ont échappé à la destruction par l'avancée des glaciers qui remontent au paléolithique moyen. C'est des industries lithiques du Moustérien que l'on a trouvé dans des grottes entre 1200 et 2000 mètres d'altitude. Mais il y a environ 50 000 ans, 100 000 ans, 50 000 ans à peu près, c'est ça ? C'était vers 50 000 avant Jésus-Christ, exactement, oui. Après, on a peu de données sur le paléo-sup, car on est encore dans la dernière avancée vurmienne, le paléolithique supérieur, pardon. À partir du retrait du glacier et de la recolonisation de la végétation sur les moraines qu'il a laissées, on a les hommes qui progressivement vont recoloniser l'entier du massif alpin. Alors, on a quelques indices de paléolithique supérieur du Magdalénien et de l'Asilien dans les contreforts du massif, des occupations magdaléniennes et asiliennes datées vers 12 000, 10 000 avant Jésus-Christ. Mais après, c'est vraiment à partir de la grande époque que l'on appelle le Mésolithique que l'on a une recolonisation de l'entier du massif entre 9 000 et 6 000 avant Jésus-Christ. Et là, à partir de ce moment-là, on connaît quand même passablement de sites archéologiques qui sont situés soit dans les grandes vallées, soit sur les versants, soit également dans les zones de haute montagne. On a des stations d'altitude de chasseurs mésolithiques à plus de 2000 mètres dans les Alpes valaisannes et également dans les Alpes françaises. Ralph Lugon, un glacier est une masse en mouvement. Hormis quelques situations particulières, les objets rejetés par le glacier n'ont en général que quelques siècles. Quelles sont ces situations très particulières qui conservent éventuellement des vestiges très anciens ? On a par exemple des phénomènes qu'on connaît assez mal. Il y a des glaciers qui peuvent être froids, on les appelle des glaciers froids, ça veut dire qu'à leur base, ils sont en contact avec un pergélisol, ils sont gelés à leur base, et là la glace peut rester statique et des objets peuvent être préservés sans qu'il y ait nécessairement un mouvement. Maintenant, en général, la plupart des glaciers sont des glaciers chauds dans les Alpes ou tempérés, proches de 0 degré, donc ils vont se déplacer, ils vont bouger, et puis ils vont déformer les objets, et c'est clair qu'à ce moment-là aussi, on a des objets qui ne vont pas se conserver plus longtemps que quelques siècles, c'est-à-dire la durée de vie de la glace. Mais il faut aussi rester, on n'en est qu'au début des recherches au niveau de la conservation dans les milieux glaciaires. On a quand même des objets qui ont été trouvés en vallée, entre autres je pense aux manches d'une serpe en bois d'âge celtique qui a été trouvée sur le glacier du Théodule à 3300 mètres d'altitude sur ce qu'on appelle la zone d'accumulation du glacier tout en haut. L'objet avait quand même plus de 2000 ans. On ne sait pas comment il est arrivé là, il a été déposé. Donc il faut rester très, très sceptique par rapport à ça. Oui, la règle générale veut qu'un glacier bouge et que les objets qu'il recrache aient quelques centaines d'années seulement. Par contre, on a aussi des tout petits glaciers qui fluctuent très peu et qui sont gelés à leur base. Et ceux-ci, ils vont permettre la conservation des objets qui vont être perdus à la surface. Les objets vont descendre dans la neige, dans la glace, et petit à petit, ils vont se déposer au fond dans une couche gelée. Et puis, ils vont rester là, très bien conservés, jusqu'au prochain réchauffement climatique. Donc, si je comprends bien, certaines zones de glace ne se déplacent que très, très peu. Oui, et c'est souvent dans ces zones-là qu'on a découvert les éléments les plus prestigieux, comme la fameuse momie Ötzi dans les Alpes autrichiennes, ou bien la découverte de tous ces objets sous le col du Schneideor, qui se situe à la frontière entre le canton du Valais et le canton de Berne. C'est des situations où on a des petits glaciers peu statiques, Il y a eu des fluctuations, la glace a commencé à avancer, à fluer, aux périodes où le glacier était bien nourri, les périodes où il a régressé. Mais c'est, comme caractéristique aussi, ces glaces étaient toujours situées en zone de pergélisol aussi, quoi, qui joue un rôle dans la conservation thermique des objets. Le pergélisol, donc, les sols gelés en permanence. Ce que nous retrouvons, ce sont généralement des objets perdus, mais aussi des accidents. Visiblement, on monte, mais on tombe beaucoup, bien sûr, aussi dans les crevasses et on tombe des glaciers. Pour autant, a-t-on aussi des occupations humaines temporaires, à défaut d'être permanentes ? Oui, alors vous avez tout à fait raison. La plupart de ces objets étudiés par l'archéologie glaciaire, ce sont les objets qui ont été perdus par les voyageurs qui traversaient ces glaciers, ou ce sont, quand on a vraiment un ensemble cohérent d'objets, le résultat d'un accident, d'une personne qui est morte sur le glacier, soit tombée dans une crevasse, soit perdue dans le brouillard. Les indices d'occupation temporaire dans ces zones de très haute altitude sont extrêmement rares. Mais néanmoins, ils existent. On a, dans certains cas, l'attestation que l'on a eue des zones exploitées pour les matières premières qui s'y trouvent, que les hommes sont venus temporairement extraire des matières premières. Et on a également, pour les périodes plus récentes, l'attestation d'installations qui sont des installations militaires temporaires. Pour vous, la montagne n'aurait jamais constitué une barrière pour les hommes au travers d'expéditions individuelles ou collectives ? Alors, les hommes ont toujours circulé abondamment à travers cols et vallées dans le massif alpin. C'est aujourd'hui que le transit se concentre sur quelques grands cols qui sont aménagés pour le trafic routier. À l'époque, quand on voyageait et qu'on transportait les marchandises à dos d'hommes ou à dos de mulets, on empruntait une multitude d'autres passages, parfois très élevé, à plus de 3000 mètres, et parfois également recouvert par des glaciers. Pierre Nico, je reviens sur ce que vous disiez. La montagne, c'est bien entendu des ressources. Justement, un des plus anciens sites découverts dans les Alpes est en lien avec cette exploitation, celle du cristal de roche, à plus de 2800 mètres d'altitude. Oui, c'est bien à lui que je pensais. C'est dans un glacier qui s'appelle Strem-Lucke, qui se trouve dans le canton d'Uri, en Suisse. Le glacier, en se retirant, a libéré une petite cavité dans laquelle il y avait des filons de cristal de roche. Et l'on a retrouvé, parmi tous les objets qui se trouvaient dans cette petite cavité, bien entendu, énormément d'éclats de cristal de roche, mais également des outils en bois et en bois de serre qui ont été datés au radiocarbone vers 6000 avant Jésus-Christ, et puis toute une série d'outils débités sur ce cristal de roche, des petits poinçons, des perçoirs, des grattoirs. Donc ce qui atteste que les chasseurs-cueilleurs de la fin de la préhistoire, en 6000 avant Jésus-Christ, montaient jusqu'à ces altitudes pour extraire la matière première dont ils avaient besoin pour fabriquer leurs outils. Des panoplies de chasseurs remontant à 5000 ans, on en a découvertes dans des cols en Suisse. Alors oui, il y a deux cols où on a fait des découvertes de cet ordre. Deux cols qui sont sur la même ligne de crête qui sépare le canton du Valais du canton de Berne. Il s'agit du col du Lötschenpass et celui du Schniedejoch. Des arcs datés de 2800 pour le deuxième col et de 2000 avant Jésus-Christ pour le premier. Alors les découvertes les plus intéressantes sont celles qui ont été faites sur le passage du Schniedejoch, où l'université de Berne a effectué des programmes de prospection répétés d'année en année dans les années 2000. Ils ont mis au jour des centaines d'objets qui se répartissent du néolithique ancien vers 5000 avant Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge. Et parmi tous ces vestiges, tout un ensemble très cohérent, daté du néolithique final vers 2800 avant Jésus-Christ. C'est cette panoplie de chasseurs dont vous parlez. On a retrouvé une partie de ses vêtements, ses pantalons en cuir, ses chaussures en cuir, mais on a surtout retrouvé tout son matériel de chasse, à savoir un très grand arc en if d'1,80 m de long, une corde en tendon animal, toute une série de hampes de flèches en viorn et en noisetier, et également quelques armatures de flèches en silex taillé. Mais la pièce la plus remarquable de cet ensemble, c'est un immense étui d'arc, un espèce de carquois, mais qui servait à ranger non seulement les flèches, également l'arc d'1,80 m de long, qui a été fait en écorce de bouleau cousue et qui porte un capuchon qui s'adapte parfaitement, donc ce qui montre toute l'importance que représentait cette arme pour les chasseurs néolithiques de ce troisième millénaire. Alors on dit chasseurs, mais on sait qu'à cette époque, la société était déjà hiérarchisé et que des conflits existaient entre individus ou entre communautés. Donc ces armes de chasse que sont les arcs ont également pu être des armes de guerre et ont pu servir dans des conflits entre diverses communautés. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Pierre-Yves Nico, l'individu dont vous nous parliez à l'instant, c'est Schnidi, c'est bien ça, qui a été découvert à 2500 mètres avec son pantalon en cuir, etc. Ses armes et son carquois. Mais où est passé le corps? Il a disparu? Alors voilà, j'allais vous reprendre en vous disant, ce n'est pas l'individu, c'est l'équipement de l'individu. Malgré les prospections très poussées qui ont été menées et qui le sont encore régulièrement tous les étés, on n'a retrouvé aucun indice du corps. Donc, dans le cas précis, il se peut que le chasseur en question se soit enfui, se soit déplacé, qu'il aille abandonner son équipement, peut-être lors d'une confrontation avec un animal ou on ne sait avec qui. Hein. Mais il se peut aussi que son corps ait été redescendu en plaine par d'autres membres de la communauté. Hein. L'énigme est entière, mais on se plaît à imaginer que son corps pourrait reposer dans les fameux dolmens du site du petit chasseur à Sion, qui sont contemporains de cette découverte, hein, dans lesquels on a retrouvé beaucoup de squelettes humains et qui sont associés, ces monuments, avec des stèles anthropomorphes sur lesquelles on voit la représentation d'arcs et de flèches. L'incontournable, l'exceptionnelle découverte, c'est bien entendu la momie d'Ötzi, faite en 1991 entre Italie et Tyrol, près de la cime de Similund. Une découverte si étonnante que beaucoup n'y ont pas cru, du moins au début. Oui, alors Ötzi, c'est un peu le cousin de Schnidi que nous venons d'évoquer, si ce n'est qu'il est encore un petit peu plus vieux, puisqu'il a 4 siècles de plus. Il date de 3200 avant Jésus-Christ. Mais on est dans le même genre de situation où on a retrouvé tout l'équipement de ce personnage, et un équipement qui est encore beaucoup plus riche et qui comprend également arc, flèche et carquois. La différence avec Ötzi et ce qui fait sa renommée, c'est que là, on a le corps, on a la momie parfaitement conservée, hein, et qui est étudiée très finement depuis maintenant une trentaine d'années. On dit que c'est la plus longue autopsie de l'histoire de la médecine, hein, et qui révèle des informations captivantes pour l'histoire de cet homme et pour la compréhension des sociétés de la fin du néolithique. Il serait mort d'un fléchage, c'est ça? Il aurait reçu une flèche dans le dos? Exactement. Au début, au moment de la découverte, on a évoqué de façon un peu romantique un berger qui faisait de la transhumance avec ses troupeaux à travers les cimes et les glaciers. Hein. Mais il s'est révélé que l'autopsie en question a bien montré qu'il s'agissait plutôt d'un guerrier, puisqu'il présentait une très vilaine blessure entre le pouce et l'index de sa main gauche, qu'il avait, je crois, un poignet cassé, les côtes fêlées mais recalcifiées, et qu'il avait surtout, dans l'épaule gauche, une pointe de flèche silex qui lui avait très certainement sectionné l'aorte et qui avait dû entraîner sa mort sur ce glacier. Alors, il possède un bonnet en ours, c'est assez extraordinaire. Il a aussi une hache en cuivre qui a beaucoup intéressé les archéologues. Tout à fait. Il a non seulement une hache en cuivre, mais il avait également dans ses cheveux des restes de poussière de cuivre et d'arsenic qui attestaient qu'il avait été en contact peu auparavant avec un endroit où on travaillait le cuivre, une forge où on devait travailler ce cuivre. Alors on est à la toute fin du néolithique, à une période où la métallurgie commence à apparaître, cette métallurgie sur cuivre, et c'était donc très certainement un personnage de rang assez élevé, dans la mesure où il possédait cet outil assez unique pour l'époque. On a aussi dit qu'il avait un régime alimentaire qui était de qualité, puisqu'on a retrouvé dans son estomac des céréales, de la viande séchée de cerf, de la viande séchée de bouquetin. Donc peut-être un de ces personnages qui avait un rang assez élevé dans ces groupes humains hiérarchisés de l'époque. En tout cas, il est aujourd'hui exposé au musée de Bolzano, derrière une glace, et toujours congelé à moins 7 degrés. Pour accéder à la montagne, il existe des voies, des chemins, ceux-ci peuvent être même balisés. Alors oui, on connaît bien de nos jours, enfin tous les gens qui fréquentent la montagne de nos jours connaissent bien les petits cairns en pierre que l'on érige au bord des chemins, qui nous permettent de suivre les sentiers quand ils sont peu marqués sur les roches nues. Mais également dans les zones enneigées et à travers les glaciers, on plante parfois des grands piquets de bois. Hein. Une pratique qui remonte peut-être à l'âge du fer et à l'époque romaine, puisque plusieurs des glaciers valaisans ont livré des grands piquets de bois, simplement appointis sur la surface, parfois plusieurs, dans un même secteur. Donc on pense que c'était des piquets qui pouvaient servir à baliser les chemins. Une interprétation qui est appuyée par des sources écrites. On a des textes latins du IVe siècle qui mentionnent que les autochtones alpins plantaient régulièrement des piquets le long des sentiers pour que les voyageurs ne se perdent pas, et que quand la neige ou la tempête faisait tomber ces piquets, il était assez fréquent que les hommes disparaissent, tombent dans des crevasses ou se perdent dans la montagne. Justement, des gens perdus, on en connaît dans les Alpes, retrouvés à l'image du mari de, bien sûr, Stella Ballister, du fameux film d'Hitchcock. Gelé, c'est le cas du couple Dumoulin, retrouvé en 2017. Oui, alors là, on quitte un peu le domaine de l'archéologie pour aborder celui de l'actualité, hein, puisque c'est un couple qui a disparu dans ce glacier en 1942. Hein. Nous avons tenu à traiter de ce cas dans l'exposition Mémoire de glace, parce qu'il fait très bien écho à toutes les disparitions glaciaires antérieures. Hein. Et donc, ce couple Dumoulin était parti de son village de Savièse, au-dessus de Sion, un jour d'été de 1942, pour aller rejoindre leur troupeau communal qui se trouvait sur un alpage de l'autre côté de la crête des Alpes. Ils devaient donc franchir un glacier pour aller sur l'alpage de la commune. Ce jour-là, on les a vus pour la dernière fois à la chapelle des Mayens, les zones intermédiaires sur les pentes de montagne. Puis ils sont partis en direction du glacier, la tempête s'est levée, on les a jamais revus. Donc c'est une affaire qui, à l'époque, avait eu beaucoup de retentissement, car ils laissaient 7 enfants orphelins, des enfants entre 11 ans et 2 ans. On les a beaucoup recherchés, on les a jamais retrouvés. Des rumeurs disaient qu'ils avaient peut-être abandonné leur famille. Enfin, c'est une histoire qui était connue dans la région. Et ce n'est donc qu'en 2017 qu'un employé des remontées mécaniques de la station qui se trouve au-dessus de ce glacier a retrouvé les deux corps enlacés sur le glacier avec tout le matériel qu'ils avaient emporté, avec leur sac à dos, leur parapluie, leur montre. Bouquet de fleurs aussi, visiblement. Hein, c'est bien ça. un petit bouquet d'antennaire, de pietcha, qui est une plante médicinale. Exactement. En tout cas, le couple Dumoulin voyageait avec un cantique aussi, qui fut bien sûr retrouvé. La montagne fait peur. Il faut s'en protéger avec des gris-gris, en laissant des monuments. C'est bien ça aussi? Alors oui, tout à fait. Hein. Si on prend les découvertes les plus récentes à l'image des Dumoulin ou à l'image des découvertes du XVIIe siècle, on a très souvent, avec ces personnes accidentées, des petites médailles chrétiennes, des chapelets, voire des recueils, comme vous dites, de cantiques pour les Dumoulin. Ça fait partie, j'ai envie de dire, du petit matériel de dévotion personnel que les gens emmènent avec eux en montagne. Et ce qui permet de reconnaître leur intimité aussi. Exactement, oui. On a également des pièces de plus grosse taille, hein, puisqu'on connaît aujourd'hui toutes les croix qui ornent les crêtes des massifs alpins et certains cols. On y mettait aussi des statues de saints pendant les périodes chrétiennes. Et pour les périodes plus anciennes, on a trouvé, par exemple, sur le glacier du Théodule, un dépôt monétaire d'une cinquantaine de monnaies qui avait très certainement été déposé ici également pour demander la protection des puissances divines dans ce secteur accidenté. Alors justement, le col du Théodule est très important, il domine Zermatt, et là on y a découvert une sorte de marchand ou mercenaire qui était tombé dans une crevasse. Exactement, c'est l'une des découvertes les plus exceptionnelles, hein, du canton du Valais, qui n'est pas très ancienne, enfin, puisqu'il s'agit d'un personnage du début du XVIIe siècle. Hein. Il a été qualifié de mercenaire du Théodule, car on a retrouvé aux côtés des ossements de ce personnage des armes, une grande épée, une dague, un pistolet à rouet, et également une bourse qui contenait une jolie somme d'argent et qui pourrait correspondre à la solde de plusieurs mois d'un soldat de l'époque. Donc des armes, des monnaies, on a dit, c'est un mercenaire qui revenait d'Italie et qui retournait dans le sud de l'Allemagne. Ce qui s'est révélé totalement faux, suite à une étude plus poussée qui a été faite par le musée d'histoire du Valais dans les années 2010, qui ont montré qu'en fait il ne s'agissait pas d'armes de combat, mais plutôt d'armes d'escrime et d'armes d'apparat, telles qu'elles sont souvent représentées sur les tableaux de l'époque. Et de plus, ce personnage portait des habits relativement fins, avec un manteau brodé de soie. Donc on pense aujourd'hui qu'il s'agit plus probablement d'un riche gentilhomme, probablement un commerçant qui faisait un marchand qui faisait du commerce entre le nord de l'Italie et la Suisse, voire plus loin l'Allemagne. Dans les Alpes françaises, une étonnante sculpture de bois a été découverte par un randonneur. Passée inaperçue par la communauté scientifique, celle-ci a débouché malgré tout sur des recherches et quantité d'objets ont été découverts de la sorte aussi en Suisse. Je crois que vous avez des beaux témoignages. Oui, alors la statue en question est une statue très intéressante en Haute-Maurienne, qui est une grande pièce en bois de 80 cm de bois, qui représente un personnage religieux, peut-être un ecclésiastique, peut-être un saint, on ne sait pas. Elle tient un petit récipient dans la main qui pourrait être un calice, mais elle n'a malheureusement pas encore pu être datée. Donc on pense qu'elle est d'une période historique, mais on n'est pas à l'abri de découvrir, comme c'est souvent le cas avec ces découvertes glaciaires, qu'elle est peut-être plus ancienne, romaine, voire gauloise. C'est suite à cette découverte que l'Université de Lyon a mis sur pied un vaste projet de prospection sur ces cols de Haute-Maurienne, sous la direction du professeur Éric Thirault. Et en effet, ils ont sorti des centaines d'objets, en bois et en cuir principalement, dont les plus anciens sont datés de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Ralph Lugon, aujourd'hui, les recherches s'intensifient-elles? Vous arrivez désormais à faire des sortes de modélisations sur des axes de circulation? Il y a une dizaine d'années, on a lancé un projet justement financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. L'idée, c'était simplement de faire fi un peu des connaissances locales et d'essayer de faire parler un peu l'ordinateur des simulations spatiales. On essaye de lancer sur les ordinateurs une sorte de personnage qui partirait d'un point A pour aller d'un point B en traversant les Alpes valaisannes. Et puis après, le même trajet au retour, et on regarde ce que la machine nous dit. La machine, elle est pas très intelligente, la machine, elle a pas de préjugés. Parce que au niveau des passages d'école, si on commence à regarder des cartes, l'être humain a beaucoup de préjugés, il se dit ah, mais c'est pas possible, on peut pas passer par là. Nous, on a décidé de suivre un peu ce que la machine nous disait dans notre projet, et puis d'aller vérifier sur place si on trouvait des éléments, des choses. Enfin, les choses qu'on cherchait surtout, c'était des bouts de bois, parce que dans notre recherche, ce qu'on voulait prouver, c'était prouver que des gens étaient passés dans des endroits à haute altitude, sur des cols qui n'étaient pas connus. Et notre projet de recherche a révélé 2-3 cols ainsi, qui étaient fréquentés déjà depuis l'âge du bronze. Mais c'est simplement des bouts de bois qu'on a datés au carbone 14 systématiquement, et puis qui a montré que les hommes, en fait, peuvent passer pratiquement, mais partout, quoi. C'était ça notre intérêt dans ce projet. Pierre-Yves Nicot, Ralph Lugon, merci beaucoup d'avoir été en ligne de Suisse. Je rappelle aussi qu'il existe des programmes d'alerte au cas où des randonneurs feraient des découvertes archéologiques fortuites. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Fabien Capel et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.